gros unique énorme. Oh, c'est Jean qui fait que Jean qui est le ghost là. Ah, y'a un leak, y'a un chien accroché de venir, et c'est bon de s'asseoir de moi, хуй. Et c'est bon de слышать только расслабленный Пугачёв, потому что все остальное ебаная хуйня и попса. Вот это дело! Oh,